10 septembre 1958, à 18h, le bureau politique, les élus, les membres du gouvernement et les secrétaires généraux des quartiers se sont réunis en assemblée générale pour arrêter la position définitive de l'Union soudanaise, section soudanaise du Rassemblement démocratique africain, vis-à-vis du référendum du 28 septembre prochain. À l'unanimité, l'Assemblée générale a décidé d'inviter tous les militants et toutes les militantes à répondre et à faire répondre oui. Si du côté du non, le Guinéen Sékou Touré apparaît minoritaire, il n'est pas totalement isolé. Ainsi, Djibo Bakary, le syndicaliste et homme politique du Niger, que nous avons déjà entendu, et que nous retrouvons au micro de RFI en 1989.